L'équipe coréenne pour la Coupe du monde féminine de moins de 17 ans de la FIFA 2016 a battu l'équipe vénézuélienne par 3-0 le 17 octobre à l'étape de demi-finale. Elle disputera la finale avec l'équipe japonaise le 22 octobre, heure de Pyongyang.